de Paul Claudel, les cinq grandes odes, ode 3, Magnificat. Argument. Le poète se souvient des bienfaits de Dieu et élève vers lui un cantique de reconnaissance. Parce que vous m'avez délivré des idoles, solennité et magnificence des choses réelles qui sont un spectacle d'activité. Tout sert. Le poète demande sa place parmi les serviteurs. Parce que vous m'avez délivré de la mort, horreur et exécration d'une philosophie abrutissante et homicide. Embrassement du devoir poétique qui est de trouver Dieu en toutes choses et de les rendre assimilables à l'amour. Pause. Lassitude des choses créées. Soumission pure et simple à la volonté et à l'ordination divine. Soyez béni, mon Dieu, qui m'avez délivré de moi-même et qui vous êtes vous-même placé entre mes bras sous la figure de ce petit enfant nouveau-né. Le poète, apportant Dieu, entre dans la terre promise. Magnificat. Mon âme magnifie le Seigneur. Oh, les longues rues amères autrefois, et le temps où j'étais seul et un. La marche dans Paris, cette longue rue qui descend vers Notre-Dame. Alors, comme le jeune athlète qui se dirige vers l'ovale, au milieu du groupe empressé de ses amis et de ses entraîneurs, et celui-ci lui parle à l'oreille, et, le bras qu'il abandonne, un autre rattache la bande qui lui serre les tendons. Je marchais parmi les pieds précipités de mes dieux. Moins de murmures dans la forêt à la Saint-Jean d'été. Il est un moins nombreux ramage en Damas, quant au récit des eaux qui descendent des monts en tumulte, s'unit le soupir du désert et l'agitation au soir des hauts platanes dans l'air ventilé. Que de paroles dans ce jeune cœur comblé de désirs. Ô mon Dieu, un jeune homme et le fils de la femme vous est plus agréable qu'un jeune taureau. Et je fus devant vous comme un lutteur qui plie. Non qu'il se croit faible, mais parce que l'autre est plus fort. Vous m'avez appelé par mon nom, comme quelqu'un qui le connaît. Vous m'avez choisi entre tous ceux de mon âge. Oh, mon Dieu, vous savez combien le cœur des jeunes gens est plein d'affection et combien il ne tient pas à sa souillure et à sa vanité. Et voici que vous êtes quelqu'un tout à coup. Vous avez foudroyé Moïse de votre puissance, mais vous êtes à mon cœur ainsi qu'un être sans péché. Oh, que je suis bien le fils de la femme, car voici que la raison et la leçon des maîtres et l'absurdité, tout cela ne tient pas à rien contre la violence de mon cœur et contre les mains tendues de ce petit enfant. Ô larmes, ô cœur trop faible, ô mine des larmes qui sautent, venez, fidèles, et adorons cet enfant nouveau-né. Ne me croyez pas votre ennemi, je ne comprends point, et je ne vois point, et je ne sais point où vous êtes. Mais je tourne vers vous ce visage couvert de pleurs. Qui n'aimerait celui qui nous aime? Mon esprit a exulté dans mon sauveur. Venez, fidèles, et adorons ce petit qui nous est né. Et maintenant, je ne suis plus un nouveau venu, mais un homme dans le milieu de sa vie, sachant, qui s'arrête et qui se tient debout en grande force et patience, et qui regarde de tous côtés. Et de cet esprit et bruit que vous avez mis en moi, voici que j'ai fait beaucoup de paroles et d'histoires inventées, et personnes ensemble dans mon cœur avec leurs voix différentes. Et maintenant, suspendu le long débat, voici que je m'entends vers vous tout seul, un autre qui commence à chanter avec la voix plurielle comme le violon et que l'archet prend sur la double corde. Puisque je n'ai rien pour ces jours ici que ce pan de sable et la vue jamais interrompue sur les sept sphères de cristal superposées. Vous êtes ici avec moi et je m'en vais faire à loisir pour vous seul un beau cantique comme un pasteur sur le Carmel qui regarde un petit nuage. En ce mois de décembre, et dans cette canicule du froid, alors que toute étreinte est resserrée et raccourcie, et cette nuit même toute brillante, l'esprit de joie ne m'entre pas moins droit au corps que lorsque parole fut adressée à Jean dans le désert, sous le pontificat de Caïphe et d'Anne, Hérode étant tétrarque de Galilée, et Philippe son frère de l'Iturie et de la région Traconitide, et Lysanias d'Abilène. Mon Dieu, qui nous parlait avec les paroles mêmes que nous vous adressons, vous ne méprisez pas plus ma voix en ce jour que celle d'aucun de vos enfants, ou de Marie même votre servante, quand, dans l'excès de son cœur, elle s'écria vers vous parce que vous avez considéré son humilité. Ô Mère de mon Dieu, ô femme entre toutes les femmes, vous êtes donc arrivée après ce long voyage jusqu'à moi. Et voici que toutes les générations en moi jusqu'à moi vous ont nommée bienheureuse. Ainsi, dès que vous entrez, Élisabeth prête l'oreille, et voici déjà le 6e mois de celle qui était appelée stérile. Ô combien mon cœur est lourd de louanges, et qu'il a de peine à s'élever vers vous, comme le pesant encensoir d'or tout bourré d'encens et de braise, qui, un instant volant au bout de sa chaîne déployée, redescend, laissant à sa place un grand nuage dans le rayon de soleil d'épaisse fumée. Que le bruit se fasse voix, et que la voix en moi se fasse parole. Parmi tout l'univers qui bégait, laissez-moi préparer mon cœur comme quelqu'un qui sait ce qu'il a à dire. Parce que cette profonde exultation de la créature n'est pas vaine, ni ce secret que gardent les myriades célestes en une exacte vigile. Que ma parole soit équivalente à leur silence. Ni cette bonté des choses, ni ce frisson des roseaux creux, quand, sur ce vieux tumulus, entre la Caspienne et la Rale, le roi mage fut témoin d'une grande préparation dans les astres. Mais que je trouve seulement la parole juste, que j'exhale seulement cette parole de mon cœur l'ayant trouvée, et que je meure ensuite l'ayant dite, et que je penche ensuite la tête sur ma poitrine l'ayant dite, comme le vieux prêtre qui meurt en consacrant. Soyez béni, mon Dieu, qui m'avez délivré des idoles, et qui faites que je n'adore que vous seul, et non point Isis et Osiris, ou la justice, ou le progrès, ou la vérité, ou la divinité, ou l'humanité, ou les lois de la nature, ou l'art, ou la beauté, et qui n'avez pas permis d'exister à toutes ces choses qui ne sont pas, ou le vide laissé par votre absence. Comme le sauvage qui se bâtit une pirogue, et qui de cette planche en trop fabrique Apollon, ainsi tous ces parleurs de paroles du surplus de leurs adjectifs se sont faits des monstres sans substance, plus creux que Moloch, mangeur de petits enfants, plus cruels et plus hideux que Moloch. Ils ont un son et point de voix, un nom. Il n'y a point de personne, et l'esprit immonde est là qui remplit les lieux déserts et toutes les choses vacantes. Seigneur, vous m'avez délivré des livres et des idées, des idoles et de leurs prêtres, et vous n'avez point permis qu'Israël serve sous le joug des efféminés. Je sais que vous n'êtes point le Dieu des morts, mais des vivants. Je n'honorerai point les fantômes et les poupées, ni Diane, ni le devoir, ni la liberté et le bœuf Apis. Et vos génies et vos héros, vos grands hommes et vos surhommes, la même horreur de tous ces défigurés. Car je ne suis pas libre entre les morts, et j'existe parmi les choses qui sont, et je les contrains à m'avoir indispensable. Et je désire de n'être supérieur à rien, mais un homme juste, juste comme vous êtes parfait, juste et vivant parmi les autres esprits réels. Que m'importent vos fables? Laissez-moi seulement aller à la fenêtre et ouvrir la nuit et éclater à mes yeux en un chiffre simultané l'innombrable comme autant de zéros après le 1 coefficient de ma nécessité. Il est vrai, vous nous avez donné la grande nuit après le jour et la réalité du ciel nocturne. Comme je suis là, il est là, avec les milliards de sa présence. Il nous donne signature sur le papier photographique, avec les 6000 pléiades, comme le criminel avec le dessin de son pouce enduit d'encre sur le procès verbal. Et l'observateur cherche et trouve les pivots et les rubis, Hercule ou Alcyone, et les constellations, pareilles à la grave sur l'épaule d'un pontife, et à de grands ornements chargés de pierres de diverses couleurs. Et ça et là, aux confins du monde, où le travail de la création s'achève, les nébuleuses, comme quand la mer violemment battue et remuée revient au calme, voici encore de tous côtés l'écume et de grandes plaques de sel trouble qui montent. Ainsi, le chrétien dans le ciel de la foi sent palpiter la Toussaint de tous ses frères vivants. Seigneur, ce n'est point le plomb ou la pierre ou le bois pourrissant que vous avez enrôlé à votre service, et nul homme ne se consolidera dans la figure de celui qui a dit « Non serviam ». Ce n'est point mort qui vainc la vie, mais vie qui détruit la mort, et elle ne peut tenir contre elle. Vous avez jeté bas les idoles, vous avez déposé tous ces puissants de leur siège, et vous avez voulu pour serviteur la flamme elle-même du feu. Comme dans un port, quand la débâcle arrive, on voit la noire foule des travailleurs couvrir les quais et s'agiter le long des bateaux, ainsi les étoiles fourmillantes à mes yeux et l'immense ciel actif. Je suis pris et ne peux m'échapper comme un chiffre prisonnier de la somme. Il est temps. À la tâche qui m'est départie, l'éternité seule peut suffire. Et je sais que je suis responsable, et je crois en mon maître ainsi qu'il croit en moi. J'ai foi en votre parole, et je n'ai pas besoin de papier. C'est pourquoi rompons les liens des rêves, et foulons aux pieds les idoles, et embrassons la croix avec la croix. Car l'image de la mort produit la mort, et l'imitation de la vie, la vie, et la vision de Dieu engendre la vie éternelle. Soyez béni, mon Dieu, qui m'avez délivré de la mort. Ainsi, la face dévoilée à grands cris chanta Marie, sœur de Moïse, sur l'autre bord de la mer qui avait englouti Pharaon. Parce que voici la mer derrière nous. Parce que vous avez recueilli Israël, votre enfant, vous étant recordé votre miséricorde, et que vous avez fait monter vers vous en lui tendant la main, s'est humilié comme un homme qui sort de la fosse. Derrière nous, la mer confuse, aux flots entrechoqués, mais votre peuple à pied sec la traverse par le chemin le plus court derrière Moïse et Aaron. La mer derrière nous, et devant nous, le désert de Dieu et les montagnes horribles dans les éclairs. Et la montagne dans l'éclair qui la montre et qui l'absorbe tour à tour a l'air de sauter comme un bélier, comme un poulain qui se débat sous le poids d'un homme trop lourd. Derrière nous, la mer qui a englouti le persécuteur et le cheval avec l'homme armé comme un lingot de plomb est descendu dans la profondeur. Telle l'ancienne Marie et telle dans le petit jardin d'Hébron frémit l'autre Marie en elle-même quand elle vit les yeux de sa cousine qui lui tendait les mains et que la tante d'Israël comprit qu'elle était celle-là. Et moi, comme vous avez retiré Joseph de la citerne et Jérémie de la basse fosse, c'est ainsi que vous m'avez sauvé de la mort. Et que je m'écris à mon tour parce qu'il m'a été fait des choses grandes et que le Saint est son nom. Vous avez mis dans mon cœur l'horreur de la mort. Mon âme n'a point tolérance de la mort. Savant, épicurien, maître du noviciat de l'enfer, praticien de l'introduction au néant, Brahme, bonze, philosophe, tes conseils, Égypte, vos conseils, vos méthodes et vos démonstrations et votre discipline, rien ne me réconcilie. Je suis vivant dans votre nuit abominable. Je lève mes mains dans le désespoir. Je lève les mains dans la transe et le transport de l'espérance sauvage et sourde. Qui ne croit plus en Dieu, il ne croit plus en l'être. Et qui est l'être, il est sa propre existence. Seigneur, je vous ai trouvé. Qui vous trouve, il n'a plus tolérance de la mort, et il interroge toutes choses avec vous, et cette intolérance de la flamme que vous avez mise en lui. Seigneur, vous ne m'avez pas mis à part comme une fleur de serre, comme le moine noir sous la coule et le capuchon qui fleurit chaque matin tout en or pour la messe au soleil levant. Mais vous m'avez planté au plus épais de la terre, comme le sec et tenace chien-dent invincible qui traverse l'antique Leus et les couches de sable superposées. Seigneur, vous avez mis en moi un germe, non point de mort, mais de lumière. Ayez patience avec moi, parce que je ne suis pas un de vos saints qui broie par la pénitence l'écorce amère et dure, mangée d'œuvres de toutes parts comme un oignon par ses racines. Si faible qu'on le croit éteint. Mais le voici de nouveau opérant, et il ne cesse de faire son œuvre et chimie en grande patience et temps, car ce n'est pas de ce corps seul qu'il me faut venir à bout, mais de ce monde brut tout entier, fournir de quoi comprendre et le dissoudre et l'assimiler en vous et ne plus voir rien réfractaire à votre lumière en moi. Car il y en a par les yeux et par les oreilles qui voient et qui entendent, mais pour moi c'est par l'esprit seul que je regarde et que j'écoute. Je verrai avec cette lumière ténébreuse. Mais que m'importe toute chose vue au regard de l'œil qui me la fait visible, et la vie que je reçois si je ne la donne, et tout cela à quoi je suis étranger, et toute chose qui est autre chose que vous-même, et cette mort auprès de votre vie que nous appelons ma vie. Je suis là de la vanité. Vous voyez que je suis soumis à la vanité, ne le voulant pas. D'où vient que je considère vos œuvres sans plaisir? Ne me parlez plus de la rose. Aucun fruit n'a plus de goût pour moi. Que cette mort que vous m'avez ôtée à côté de la vérité de votre présence et de ce néant indestructible qui est moi, avec quoi il me faut vous supporter? Ô longueur du temps, je n'en puis plus, et je suis comme quelqu'un qui appuie la main contre le mur. Le jour suit le jour, mais voici le jour où le soleil s'arrête. Voici la rigueur de l'hiver. Adieu, ô bel été, la transe et le saisissement de l'immobilité. Je préfère l'absolu. Ne me rendez pas à moi-même. Voici le froid inexorable. Voici Dieu seul. En vous, je suis antérieur à la mort. Et déjà, voici l'année qui recommence. Jadis, j'étais avec mon âme comme avec une grande forêt, que l'on ne cesse point d'entendre dès que l'on cesse de parler, un peuple de plus de voix murmurantes que n'en ont l'histoire et le roman. Et tantôt c'est le matin ou c'est dimanche et l'on entend une cloche chez les hommes. Mais maintenant les vents alternatifs se sont tus et les feuilles elles-mêmes autour de moi descendent en masses épaisses. Et j'essaie de parler à mon âme. Ô mon âme, tous ces pays que nous avons vus, et tous ces gens, et les mers, combien de fois traversées. Et elle est comme quelqu'un qui sait et qui préfère ne pas répondre. Et de tous ces ennemis du Christ autour de nous, prends tes armes, ô guerrière. Mais moi, comme un enfant qui agace le petit scorpion hideux avec une paille, cela ne va pas jusqu'à son attention. Paix, réjouis-toi, et dis, autrement que par des paroles, mon âme magnifie le Seigneur. Elle demande à cesser d'être une limite. Elle refuse d'être à sa sainte volonté aucun obstacle. Il le faut, ce n'est plus l'été. Il n'y a plus de verdure ni aucune chose qui passe, mais Dieu seul. Et regarde et vois la campagne dépouillée, et la terre de toutes parts dénuée comme un vieillard qui n'a point fait le mal. La voici solennellement à la ressemblance de la mort qui va recevoir pour le labeur d'une autre année ordination, comme le prêtre couché sur la face entre ses deux assistants, comme un diacre qui va recevoir l'ordre suprême, et la neige sur elle descend comme une absolution. Et je sais, et je me souviens, et je revois cette forêt le lendemain de Noël. Avant que le soleil ne fût haut, tout était blanc comme un prêtre vêtu de blanc dont on ne voit que les mains qui ont la couleur de l'aurore. Tout le bois comme pris dans l'épaisseur et la matière d'un verre obscur. Blanc depuis le tronc, jusqu'aux plus fines ramilles et la couleur même du rose des feuilles mortes et le vert amande des pins. L'air, pendant les longues heures de paix et nuit décantant comme un vin tranquille, et le long fil d'araignées chargées de duvet rend témoignage à la recollection de l'orante. Qui participe aux volontés de Dieu, il faut qu'il participe à son silence. Sois avec moi tout entier, taisons-nous ensemble à tous les yeux. Qui donne la vie, il faut qu'il accepte la mort. Soyez béni, mon Dieu, qui m'avez délivré de moi-même, et qui faites que je ne place pas mon bien en moi-même et l'étroit cachot où Thérèse vit les damnés en maçonnés, mais dans votre volonté seule, et non pas dans aucun bien, mais dans votre volonté seule. Heureux non pas qui est libre, mais celui que vous déterminez comme une flèche dans le carquois. Mon Dieu, qui au principe de tout et de vous-même avez mis la paternité, soyez béni parce que vous m'avez donné cet enfant, et posez avec moi de quoi vous rendre cette vie que vous m'avez donnée. Et voici que je suis son père avec vous. Ce n'est pas moi qui engendre, ce n'est pas moi qui suis engendré. Soyez béni parce que vous ne m'avez pas abandonné à moi-même, mais parce que vous m'avez accepté comme une chose qui sert et qui est bonne pour la fin que vous vous proposez. Voici que vous n'avez plus peur de moi comme de ces orgueilleux et de ces riches que vous avez renvoyés vides. Vous avez mis en moi votre puissance qui est celle de votre humilité, par qui vous vous anéantissez devant vos œuvres. En ce jour de ces générations où l'homme se souvient qu'il est terre, et voici que je suis devenu avec vous un principe et un commencement. Comme vous avez eu besoin de Marie, et Marie de la ligne de tous ses ancêtres, avant que son âme ne vous magnifiât et que vous ne reçussiez d'elle grandeur aux yeux des hommes, c'est ainsi que vous avez eu besoin de moi, à mon tour, c'est ainsi que vous avez voulu, ô mon maître, recevoir de moi la vie comme entre les doigts du prêtre qui consacre, et vous placez vous-même en cette image réelle entre mes bras. Soyez béni, parce que je ne demeure point unique, et que de moi il est sorti existence et suscitation de mon immortel enfant, et que de moi, à mon tour, en cette image réelle pour jamais, d'une âme jointe avec un corps, vous avez reçu figure et dimension. Voici que je ne tiens pas une pierre entre mes bras, mais ce petit homme criant qui agite les bras et les jambes. Me voici rejoint à l'ignorance et aux générations de la nature et ordonné pour une fin qui m'est étrangère. C'est donc vous, nouvelle venue, et je puis vous regarder à la fin. C'est vous, mon âme, et je puis voir à la fin votre visage, comme un miroir qui vient d'être retiré à Dieu, nu de toute autre image encore. De moi-même, il naît quelque chose d'étranger. De ce corps, il naît une âme, et de cet homme extérieur et visible, je ne sais quoi de secret et de féminin, avec une étrange ressemblance. Ô ma fille, ô petit enfant, pareil à mon âme essentielle, et à qui pareil redevenir il faut lorsque désir sera purgé par le désir. Soyez béni, mon Dieu, parce qu'à ma place, il naît un enfant sans orgueil. Ainsi, dans le livre, au lieu du poète puant et dur, l'âme virginale sans défense et sans corps, entièrement donnante et accueillie, il naît de moi quelque chose de nouveau, avec une étrange ressemblance. À moi et à la touffe profonde de tous mes ancêtres avant moi, il commence à naître nouveau. Nous étions exigés, selon l'ordre de nos générations, pour qu'à cette spéciale volonté de Dieu soient préparés le sang et la chair. Qui es-tu, nouvelle venue, étrangère? Et que vas-tu faire de ces choses qui sont à nous? Une certaine couleur de nos yeux, une certaine position de notre cœur. Ô enfant né sur un sol étranger, ô petit cœur de rose, ô petit paquet plus frais qu'un gros bouquet de lilas blanc. Il attend pour toi deux vieillards dans la vieille maison natale toute fendue, raccommodée avec des bouts de fer et des crochets. Il attend pour ton baptême les trois cloches dans le même clocher, qui ont sonné pour ton père pareils à des anges et à des petites filles de 14 ans. À 10 heures, lorsque le jardin embaume et que tous les oiseaux chantent en français, il attend pour toi cette grosse planète au-dessus du clocher, qui est dans le ciel étoilé comme un pater parmi les petits ave. Lorsque le jour s'éteint et que l'on commence à compter au-dessus de l'église de faibles étoiles pareilles aux vierges Patience et Évodie. Maintenant, entre moi et les hommes, il y a ceci de changé, que je suis père de l'un d'entre eux. Celui-là ne hait point la vie qu'il a donnée, et il ne dira pas qu'il ne comprend point. Comme nul homme naît de lui-même, il n'est pas pour lui-même. La chair crée la chair, et l'homme, l'enfant qui n'est pas pour lui, et l'esprit, la parole adressée à d'autres esprits. Comme la nourrice encombrée de son lait débordant, ainsi le poète de cette parole en lui a d'autres adressés. Ô Dieu sans prunelle des anciens, où ne se reflète point la petite poupée, Apollon, l'Oxias, aux genoux vainement embrassés, ô tête d'or, au croisement des routes, voici que tu as autre chose aux suppliants à épancher que ton sang vain et le serment sur la pierre celtique. Le sang s'unit au sang, l'esprit épouse l'esprit, et l'idée sauvage la pensée écrite, et la passion païenne la volonté raisonnable et ordonnée. Qu'il croit en Dieu, il en est l'accrédité. Qui a le Fils, il a le Père avec lui. Étreins le texte vivant et ton Dieu invincible dans ce document qui respire. Prends ce fruit qui t'appartient et ce mot à toi seul adressé. Heureux qui porte la vie des autres en lui et non point leur mort, comme un fruit qui mûrit dans le temps et lieu et votre pensée en lui, créatrice. Il est comme un père qui partage sa substance entre ses enfants, et comme un arbre saccagé dont on n'épargne aucun fruit, et par qui magnificence est à Dieu qui remplit les ayants faim de bien. Soyez béni, mon Dieu, qui m'avez introduit dans cette terre de mon après-midi, comme vous avez fait passer les rois mages à travers l'embûche des tyrans, et comme vous avez conduit Israël dans le désert, et comme après la longue et sévère montée, un homme ayant trouvé le col redescend par l'autre versant, Moïse mourut sur le sommet de la montagne, mais Josué entra dans la terre promise avec tout son peuple. Après la longue montée, après les longues étapes dans la neige et dans la nuée, il est comme un homme qui commence à descendre, tenant de la main droite son cheval par le bridon. Et ses femmes sont avec lui en arrière, sur les chevaux et les ânes, et les enfants dans les bas, et le matériel de la guerre et du campement, et les tables de la loi sont par derrière. Et il entend derrière lui dans le brouillard le bruit de tout un peuple qui marche. Et voici qu'il voit le soleil levant à la hauteur de son genou, comme une tache rose dans le coton, et que la vapeur s'amincit, et que tout à coup toute la terre promise lui apparaît dans une lumière éclatante comme une pucelle neuve, toute verte et ruisselante d'eau comme une femme qui sort du bain. Et l'on voit çà et là du fond du gouffre, dans l'air humide, paresseusement s'élever de grandes vapeurs blanches, comme des îles qui larguent leurs amarres, comme des géants chargés d'outres. Pour lui, il n'y a ni surprise ni curiosité sur sa face. Il ne regarde même point Shannon, mais le premier pas à faire pour descendre. car son affaire n'est point d'entrer dans Chanaan, mais d'exécuter votre volonté. C'est pourquoi, suivi de tout son peuple en marche, il émerge dans le soleil levant. Il n'a pas eu besoin de vous voir sur le Sinaï. Il n'y a point de doute et d'hésitation dans son cœur. Et les choses qui ne sont point dans votre commandement sont pour lui comme la nullité. Il n'y a point de beauté pour lui dans les idoles. Il n'y a point d'intérêt dans Satan. Il n'y a point d'existence dans ce qui n'est pas. Avec la même humilité dont il arrêta le soleil, avec la même modestie dont il mesura qui lui était livré, 9,5 au-delà et 2,5 tribus en deçà du Jourdain, cette terre de votre promesse sensible, laissez-moi envahir votre séjour intelligible à cette heure post-méridienne, car qu'est aucune prise et jouissance et propriété et aménagement auprès de l'intelligence du poète qui fait de plusieurs choses ensemble une seule avec lui, puisque comprendre, c'est refaire la chose même que l'on a prise avec soi. Restez avec moi, Seigneur, parce que le soir approche, et ne m'abandonnez pas. Ne me perdez point avec les Voltaire et les Renan et les Michelet et les Hugo et tous les autres infâmes. Leur âme est avec les chiens morts, leurs livres sont joints au fumier. Ils sont morts, et leur nom même, après leur mort, est un poison et une pourriture. Parce que vous avez dispersé les orgueilleux, et ils ne peuvent être ensemble, ni comprendre, mais seulement détruire et dissiper et mettre les choses ensemble. Laissez-moi voir et entendre toutes choses avec la parole, et saluer chacune par son nom même avec la parole qu'il a fait. Vous voyez cette terre qui est votre créature innocente. Délivrez-la du joug de l'infidèle et de l'impur et de l'amoréen, car c'est pour vous et non pas pour lui qu'elle est faite. Délivrez-la par ma bouche de cette louange qu'elle vous doit, et comme l'âme païenne qui languit après le baptême, qu'elle reçoive de toutes parts l'autorité et l'évangile. Comme les eaux qui s'élèvent de la solitude fondent dans un roulement de tonnerre sur les champs désaltérés, et comme quand approche cette saison qu'annonce le vol criard des oiseaux, le laboureur de tous côtés s'empresse à curer le fossé et l'arroyau, à relever les digues et ouvrir son champ motte à motte avec le soc et la bêche. Ainsi, comme j'ai reçu nourriture de la terre, qu'elle reçoive à son tour la mienne, ainsi qu'une mère de son fils, et que l'aride boive à plein bord la bénédiction par toutes les ouvertures de sa bouche, ainsi qu'une eau cramoisie, ainsi qu'un pré profond qui boit toute vanne levée, comme l'oasis et la huerta par la racine de son blé, et comme la femme Égypte au double flanc de son île. Bénédiction sur la terre, bénédiction de l'eau sur les eaux, bénédiction sur les cultures, bénédiction sur les animaux selon la distinction de leur espèce, bénédiction sur tous les hommes, accroissement et bénédiction sur l'œuvre des bons, accroissement et bénédiction sur l'œuvre des méchants. Ce n'est pas l'invitatoire de matine, ni le laudate dans l'ascension du soleil et le cantique des enfants dans la fournaise. Mais c'est l'heure où l'homme s'arrête et considère ce qu'il a fait lui-même et son œuvre conjointe à celle de la journée. Et tout le peuple en lui s'assemble pour le Magnificat à l'heure de vêpres, où le soleil prend mesure de la terre, avant que la nuit ne commence et la pluie, avant que la longue pluie dans la nuit sur la terre ensemencée ne commence. Et me voici, comme un prêtre, couvert de l'ample manteau d'or qui se tient debout devant l'autel embrasé, et l'on ne peut voir que son visage et ses mains qui ont la couleur de l'homme. Il regarde face à face, avec tranquillité, dans la force et dans la plénitude de son cœur, son Dieu dans la montrance, sachant parfaitement que vous êtes là sous les accidents de l'azim, et tout à l'heure il va vous prendre entre ses bras, comme Marie vous prie entre ses bras, et mêlé à ce groupe, au cœur qui officie dans le soleil et dans la fumée, vous montrer à l'obscure génération qui arrive la lumière pour la révélation des nations et le salut de votre peuple, Israël. Selon que vous l'avez juré une seule fois à David, vous étant souvenu de votre miséricorde, et selon la parole que vous avez donnée à nos pères, à Abraham et à sa semence dans tous les siècles. Ainsi soit-il. Tientsin, 1907. Enregistré par Christiane Johann.